Allez, on est revenu dans le football. Là, on parle bien sûr de l'Olympic Cup, ce tournoi international qui va démarrer samedi matin dès 10h. Hervé, est-ce qu'on est arrivé un petit peu à loger toutes les personnes qui viennent de l'extérieur? Parce que pour un organisateur, quand je vois le panel de joueurs qui vient, et surtout les entraîneurs, et bien sûr tout ce qui suit derrière ces jeunes équipes, est-ce que tu es arrivé à caser tout le monde dans Monteux? À vrai dire, c'est très compliqué. Et c'est l'année, je pense, où ça a été le plus compliqué. Parce que cette année, c'est 256 joueurs. C'est 9 ligues représentées. Sans compter, bien entendu, les staffs, les éducateurs, les clubs professionnels qui se déplacent avec 4-5 personnes, etc., etc., qu'il faut loger aussi. Et c'est vrai que cette année, on a eu malheureusement moins d'aide des familles par rapport aux années d'avant où c'est vrai qu'on est arrivé à héberger, on va dire, entre 4 et 5 équipes. Cette année, on en est à 3. On a demandé, et j'en profite ce soir, on a encore demandé un petit coup de main parce que c'est pas facile de faire venir déjà les clubs professionnels qui, normalement, pour le souligner, se déplacent, sont payés, pour être clair et net. Alors, Hervé, il y a une chose, oui, ils sont payés. Je vois que tu as appuyé sur un sujet qui me fait réagir au niveau des personnes qui ne se sont pas manifestées pour pouvoir accueillir chez eux des équipes. Il murmurait, ce n'est qu'un murmure, mais je sais qu'il va te faire rebondir. On dit que ce tournoi Olympic Cup, ce n'est pas le tournoi du club, mais de Hervé Gibert. Qui c'est qui ça? C'est Jaïve? Ah non, non, non. Ah, je peux pas. Non, mais alors là, moi, par contre, je peux certifier une chose, c'est que déjà, Hervé Gibert, sans les responsables du club, sans tous les organisateurs bénévoles, sans toutes les personnes, les partenaires, sans toutes les aides qu'il a, il pourrait en aucun cas faire tout seul un tournoi comme ça. Et je suis pas, en plus, j'ai pas les compétences de tout faire. Est-ce que ce soir, tu es en mesure de nous dire que tous les joueurs de U15 de Monteux vont jouer dans cette Olympic Cup pour pouvoir mouiller le maillot? C'est une question piège que tu me poses, non? Non, en fait, ben non, malheureusement. Voilà, parce que je sais qu'il y a des joueurs qui rigolent après là. Il y a des joueurs. Non, mais il le sait très bien en plus. Ne me mêlez pas. Non, si tu veux, c'est des murmures. Par contre, si tu veux que les bazookas et trois soldats, on peut. C'est pour ça que j'aurais aimé avoir Anthony Sagué à côté de nous. Parce que j'aurais posé cette question, je suis obligé de te la poser à toi. Oui, bien sûr. Parce qu'il y a des joueurs qui aiment le club, qui aiment jouer au ballon et qui se retrouvent un petit peu sur le carreau dans ce tournoi. Et ils auraient aimé peut-être un épaule de brassage pour en mettre un petit peu les crampons et être mis dans le groupe, ce qui est pas le cas. Mais moi, justement, je vais bien expliquer les choses là, comme ça au moins tout le monde le sait. Parce qu'il y a des parents, justement, j'en profite pour être à la radio pour le dire, il y a des parents qui ne sont pas lucides. Ils ne sont pas lucides sur les qualités de leur enfant, sur le potentiel de leur enfant, que ce soit dans tous les sports. Et dès qu'il y a un petit peu de concurrence au sein d'une équipe, d'un club, qui pour moi, la concurrence fait progresser. S'il n'y a pas de concurrence, le joueur ne progresse pas. Il s'assoit sur ses lauriers et puis terminé. Après, il se laisse aller et jamais il progressera. Sur les lauriers, on se repose, on ne s'assoit pas, mais... Merci, j'arrive. C'est mon cousin. Mais quand il va parler de rugby, alors je vais le tronçonner aussi. Alors si vous voulez voir ce qui se passe, vous regardez sur Facebook, il est en train d'y jeter des fléchettes. Non, après, malheureusement, c'est vrai que il y a deux équipes U15 à Monteux. Il y a une équipe U15, enfin un groupe U15 qui est, on va dire, de 16-17 joueurs. Qui à la base, c'est le coach qui prend ses décisions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, il faut respecter les décisions qu'il prend. Bien sûr. La preuve, c'est qu'elles ne sont pas si mauvaises, puisqu'il est monté en DHR pour la première fois dans l'histoire du club. Du coup, beaucoup moins de monde à parler, puisque il est quand même monté avec un grand nombre de U14. U14, c'est des premières années, d'accord? Dans une poule où, même si on va dire l'excellence district, c'est quand même pas la mer à boire, on va dire, mais. Il y a beaucoup de U15, donc ils ont joué avec des joueurs qui avaient un an de plus. Ils ont fait une super saison. Ils ont été sérieux du début jusqu'à la fin de la saison. Ils sont allés gagner à Veden 2-0 dans un match où si Monteux gagne 4-0, il y a strictement rien à dire. Donc après, voilà, ils ont mérité de monter. Maintenant, il a un groupe de 16. Il a fait son choix. Il y en a effectivement qui n'ont peut-être pas, selon lui, le niveau pour jouer en équipe 1. Et c'est vrai que ce tournoi, vu le niveau du tournoi, il est vrai que bon, ben, y a des garçons qu'il faut qu'ils progressent encore pour le faire l'année prochaine, point barre. Voilà. Voilà, c'est bien cet éclaircissement. C'est vrai qu'on a tous envie, hein, je veux dire, quand on a nos enfants. Et c'est vrai que les parents sont un petit peu actifs là-dedans. Mais il y a des joueurs qui espéraient faire partie du groupe, malheureusement. Bon, voilà, quoi. L'éternel problème, quel que soit le sport, et je vais rejoindre Hervé. Mais l'éternel problème de la lucidité des parents et même de certains éducateurs qui pensent qu'ils détiennent la pépite des pépites. Et dans un groupe de 30 gamins, il n'y a pas 40 pépites, et il n'y en a en général qu'un tiers. Donc ben, tu fais tes choix. Quand l'entraîneur fait des choix, que ce soit en senior ou en U15, c'est la même. En U15, ça pique un peu parce que les gamins ne sont pas préparés à ce genre de choses. Mais on le voit, mon gamin joue en U9 à Monteux. Et il y a des choix qui se font aussi. Personne, les parents lucides ne vont pas contredire les choix des entraîneurs. L'entraîneur qui décide de gagner un tournoi, eh ben, il prend le groupe dont il a besoin pour faire sa saison et pour faire, quel que soit en général le sport. C'est valable en première où un entraîneur choisit en début de saison 25 types qui vont composer le groupe d'effectif 1. Et ben, le reste, ça jouera avec la B. Charge au mec qui joue à l'AB, par contre, de se lever l'âme, de progresser, pour espérer enquiller dans l'équipe 1. J'imagine qu'en U15, on devrait expliquer ça aux gamins, au lieu de dire « Ah ouais, non, mais l'entraîneur, c'était un con parce qu'il t'a pas pris. » Ben non, bosser, peut-être qu'après, à ce moment-là... Non, je vais un petit peu me dévoiler, messieurs, parce que bon, Anthony Saguet, ton analyse a été très correcte, et là-dessus, je l'appuie, ton analyse. Par contre, un petit jeune que j'ai vu jouer, il s'appelle Joshua, j'aurais espéré qu'il soit dans le groupe. Joshua, oui. Parce qu'il claque des buts, hein, je l'ai déjà vu. Oui, après Joshua, le problème de Joshua, je pense. Oui, c'est effectivement, c'est un bon petit joueur. C'est un bon petit joueur, mais je pense que là, il faut qu'il prenne encore un petit peu de confiance en soi. Il manque aussi, et ça c'est clair, je veux dire, physiquement, de volume musculaire. Parce qu'il est petit, hein. Vous savez, c'est un petit joueur. Hein. Voilà, mais bon, il est frêle, il est très très frêle. En U15, peut-être plus qu'ailleurs, U15, U16, U17, c'est des catégories où ça se voit beaucoup. Je parle en connaissance de cause, parce que c'est ce qui s'est passé pour quelqu'un que je connais bien. Donc, il y a des footballeurs, il y a des très très très bons footballeurs qui manquent de volume musculaire et qui ont des soucis dans les catégories de jeunes. Et ensuite, quand tout arrive, on va dire, quand ils sont formés, quand ils arrivent à maturité, eh ben là, les vrais footballeurs ressortent. Et un footballeur, ça en sort toujours. C'est les autres après qu'on est surprise. Voilà. Merci Hervé, on va fermer un petit peu ce dossier, on va revenir sur l'Olympic Cup. Hervé, ça démarre samedi matin, 10h les premiers matchs. Il y a des vedettes, bien sûr, du monde professionnel du football qui seront là. Samedi, dimanche, quels sont les noms? Donc samedi, ça commence à 10h. Ça commence à 10h tranquillement. Ouais, alors dans deux terrains quand même, parce que je vois marqué que bon, ça va jouer sur le terrain A et sur le terrain B. Oui, le terrain A qui est le terrain synthétique, le terrain B qui est le terrain gazonné. Normalement, chaque équipe a à peu près le même nombre de matchs, que ce soit sur une surface gazonnée ou sur une surface synthétique. Ensuite, samedi, il y aura donc Johan Cour qui viendra, qui nous fera le plaisir d'être là pendant les deux jours. Raphaël Caceres aussi qui sera là le samedi. Il y aura le petit Irvine Cardona qui sera là, d'ailleurs que j'ai mis parrain de notre tournoi de préqualification, d'où sort le Racing Club de Toulon de Frédéric Mérieux. Et ensuite il y aura, après ça c'est selon leur disponibilité, William Rémy qui j'aimerais soit présent. Voilà. Parfait. Tout au long de la journée, il y a bien sûr des matchs, et puis après on se retrouve bien sûr dimanche après-midi, matin, ça sera déjà, on aura quoi? On aura les huitièmes, on aura les quarts déjà dimanche matin. Là où ça va être très intéressant, c'est à partir du samedi soir en nocturne. Sur les coups des 16-17h où commencent les quarts de finale. 17h20, c'est la fin des poules de brassage. Après, il va y avoir... Voilà, et ça commence, 18h. Commence les quarts de finale vers 18h. Et ensuite, le lendemain, bon, ben, on continue avec les quarts de finale, demi-finale, et finale qui est prévue à 15h20, je crois. Remise des prix, 17h. Voilà. C'est ça. Merci Hervé d'être venu. Mais merci à vous. À on bientôt. A ouvert une belle page de football, c'est vrai qu'on a parlé un petit peu. Je ne sais pas si je vais pas rester pour contrarier un petit peu Jean-Yves sur le rugby, mais. Tu peux rester. On va prendre, messieurs, on vient d'accueillir Dimitri du badminton des Sept Rivières. Bonsoir Dimitri.